feuille blanche. Je ne sais rien faire d'autre, trouver un taf, je n'ai pas la gueule dangereux qui certainement je pédale dans la semoule. Je pédale, t'en as que foutre. Excusez-moi mes frères si je m'éloigne de la seule route. J'ai mes raisons, mes propres blessures, mes lésions. Une corde de plus à mon arc, je dors plus de tout mes trésors. J'ai la pression, prends ça comme une agression. Rien d'autre à donner en dehors de ce texte et un couscous fait maison. J'ai la passion pour moi seul, et elle seule m'anime quand j'écris ce texte. Putain, ce pic, cette feuille, est-ce vraiment tout ce qui me reste, frère? Si demain je perds la plume, le rap les force. Ravin compris qu'à la fois j'étais vulnérable et fort. Alors j'ai filé, j'en cherchais à savoir qui suivra les ordres. Trouver un sens à mon existence à chaque funéraille d'un proche. C'est juste un texte de plus, un papier froissé, le pétard entre les doigts, de simples dires d'un jeune angoissé, de plaidard. Je me revois dans des états, frère 97, je revois mon innocence avant qu'elle jette du troisième étage. Et c'est dur de vider son sac, garder le fusil et mon cap. Quelques pales, une lame, au cas où je n'aurais plus d'idées dans ce rap. Plus j'y mets mon âme dans... J'avance à l'heure où dans ce monde pour faire sa place, l'homme doit suriner son sable. Mais comme si j'allais toujours bien, 10 années je me souviens. À me faire les dents, il reste sur le bitume. Mais les pavés toulousains, c'était du tout ou rien, frère. On faisait tout nous-mêmes, à crier sans cesse à tous ces cons d'aller se faire foutre ou mettre. C'est juste un texte de plus, sans thème particulier. D'un genre de type qui se dit la trentaine passée, artiste tué, frère. Un texte de plus, je mise dans les cris, appris de fil en aiguille. Que je suis rien d'autre qu'un panté articulé.